Oh, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Voix des Guerriers. Comme d'habitude, Frédéric L'Homme Nouvelle Garcia est tout près de moi. Et cette fois-ci, on réalise une entrevue avec Bertrand Amoussou, le seul Français à avoir remporté une victoire au Pride. Ça fait déjà quelques temps. Il sera le seul pour toujours, puisque Pride, malheureusement, est disparu. Alors bonjour, Monsieur Amoussou. Bonjour, bonjour à tous. Avant de... On aimerait avoir l'occasion, évidemment, de parler de votre carrière au Pride, qui a fait un seul combat, là. Mais avant de se rendre là, j'aimerais ça qu'on puisse regarder votre parcours dans les arts martiaux, parce que, bon, je pense que ça a l'air d'être familial, là, les arts martiaux, puisque votre père est un pratiquant de karaté, de judo, je pense aussi. Vous avez entamé le judo à 10 ans, puis il y a votre frère. Alors, parlez-nous un peu des origines des arts martiaux dans votre famille. Les origines, on va dire ça, c'est plus le père, mais bon, il nous a pas vraiment poussé. Moi, je suis l'aîné de la famille. J'ai commencé par le judo, donc à l'âge de 10 ans, comme on venait de le dire. Et très vite, j'avais des aptitudes. Mais je faisais du judo, et à côté de ça, je faisais de l'athlétisme aussi. Donc j'ai eu un parcours assez classique, je pense, parce que à l'âge de 15 ans, j'avais la possibilité de rentrer donc en section sport-études. Soit en athlétisme, soit en judo, il a fallu que je fasse un choix à ce moment-là. Et j'ai choisi le judo. Donc j'aurais pu opter pour l'athlétisme, mais j'ai choisi le judo. Et donc voilà, j'ai fait une section sportive pendant 3 ans. Pendant que j'étais en sportive, je suis rentré en équipe de France en étant junior. Donc je suis rentré à l'Association nationale des sports, qui est l'INSEP, qui est le campus olympique pour toutes les équipes nationales en préparation donc, olympique, toutes les équipes de France. Et puis voilà, j'ai fait toute ma carrière là-bas. Pourquoi le choix? Parce que, comme vous le dites, vous avez eu, à un moment donné, le choix entre l'athlétisme et le judo. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez penché vers le judo? Ouais, c'est une très bonne question, en fait. Quand j'étais gamin, je tenais des cahiers où je notais tout. Je notais les performances des... Enfin, j'allais voir, bien sûr, toutes les compétitions de judo et puis d'athlétisme que je pouvais voir. J'étais allé voir, je me rappelle, à l'âge de 10 ans et demi, la première Coupe du Monde d'athlétisme à Düsseldorf. J'avais d'ailleurs un autographe de début de Moses. Je courais dès qu'il y avait un mec qui était en survêtement, je lui courais pas pour demander un autographe. Et j'avais des statistiques. Donc, à l'époque, je faisais du sprint et du javelot. Okay. Et donc, le lancer, c'était ma spécialité. Et je me suis dit, moi, je voulais être champion. Moi, mon truc, c'était, comme je tenais des statistiques et des fiches détaillées, je voulais être champion. Moi, mon truc, c'était être le meilleur. Et à l'époque, je me suis fait la réflexion en me disant, j'ai plus de chances d'être champion si je fais du judo par rapport au niveau du judo français que si je fais du javelot. Ouais. J'avais relevé que le champion français, le numéro 1 français en javelot était dans les 15-20 meilleurs mondiaux, et les judokas français avaient souvent des champions du monde. Donc j'ai plus de chances d'être champion du monde si je fais du judo que si je fais du javelot. Et c'est ce qui a orienté mon choix. Je m'y connais pas en lancer du javelot, mais ça me semble moins nourrissant également comme sport. Vous allez peut-être pouvoir me contredire, mais je veux dire, c'est assez simple. Là. Tu lances quelque chose au bout de ton bras, alors que le judo, quand même, il y a beaucoup plus de variété. Oui, mais quand on a 15 ans, on pense pas à ça. Quand on a 15 ans, on fait une discipline parce qu'on aime la faire. On pense pas au côté... Moi, ça m'amusait de faire les compétitions d'athlétisme, de courir des 100 mètres, des 200 mètres, de lancer du poids, de lancer du javelot. Je m'amusais comme ça, quoi. Et je m'amusais autant au judo. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix. Je pense pas que je me serais éclaté autant si j'avais continué avec le javelot, quoi. Ouais, c'est ça. Puis là, vous avez 44 ans, je pense, à l'heure actuelle. Ouais, je vais avoir 44 ans, mais... Okay. Bon, le judo, ça a quand même bien réussi. Vous avez été, je pense, champion d'Europe par équipe, ouais, champion de France, médaillé européen. Médaillé européen, tout à fait. Voilà, ouais, j'ai fait une belle carrière, j'ai fait 10 ans. Bon, avec quelques regrets, je nourris les regrets des Jeux Olympiques de Barcelone où j'étais remplaçant. Mais bon, j'ai fait une carrière quand même bien fournie. Et ça, c'est cruel, les Olympiques, parce qu'évidemment, c'est le gros événement sportif, pour entre autres pour le judo, puis pour plusieurs autres disciplines. Je pense surtout, ben, vous avez fait de l'athlétisme, les sprinteurs qui font le 100 mètres, où ils se préparent durant combien d'années, puis ils ont la chance d'aller peut-être à une reprise aux Olympiques, deux s'ils sont chanceux, trois C'est pour ça. certains. Et ça dure dans certains cas, ben le sprint, le 100 mètres, ça dure à Ben dis peine 10 donc, secondes. si ils arrivent à partir au bon moment, il y en a qui loupent le départ et qui sont préparés 4 ans pour rien. Ah oui, ben souvenez-vous, il y a un Américain à qui ça avait arrivé. Je me souviens pas, c'était peut-être pas aux Olympiques ou à un championnat du monde où il y Ah avait non, fait, c'est je Linford pense. Christie, c'est en anglais, Linford Christie. Ah oui, OK. Linford Christie qui avait loupé le départ de la finale. Ah, ben, regarde, Donc il a eu deux faux départs, deuxième faux départ, c'est pas lui qui a fait le premier, deuxième faux départ, il n'est pas parti, et il n'a pas pu courir la finale alors qu'il est utilisé par Sylvie Sandbrie. Le voyage à la maison doit être long après. C'est très très bon. Alors, c'est cruel, hein? Mais ici, malheureusement, nous, on est au Québec. Le judo, c'est un sport, honnêtement, je pense qu'on surveille une fois aux 4 ans, mais en France, je pense que vous avez la chance, puis la France s'est dotée d'installations, puis ce sport-là, je pense, est beaucoup plus pratiqué qu'ici, puis également, côté visibilité, les médias, je pense, accordent beaucoup plus d'importance au judo, Oui, je fais en il sorte qu'il n'y a pas y a une vraie seulement que les tradition. Olympiques. Il y a une vraie tradition en France du judo. On a 550 000 licenciés, on a 800 000 pratiquants de judo en France. C'est vrai que c'est une vraie institution. Il y a une vraie école française, mais au Canada aussi, vous avez vraiment Québec notamment, vous avez vraiment des bons combattants. Et je pense notamment à Nicolas Guille avec qui je combattais. On était partenaires d'équipe, Nicolas. Ça veut dire que moi, quand on combattait au PSG ensemble tous les deux, et d'ailleurs c'est dans sa main que je tapais quand je sortais du combat. Et lui combattait juste après moi. OK. Et Nico qui a été vice-champion olympique et qui a une superbe carrière, Nicolas Gilles. Effectivement, deux doubles médaillés olympiques. Ben voilà, ah ouais. Mais Nico, Malheureusement, c'est mon c'est. partenaire de club. On combattait ensemble. Quand vous regardez les pratiquants de MMA qui ont une base en judo, qu'est-ce que vous pensez qui est leur force? Moi, personnellement, je pense que la plupart des combattants de judo sont peut-être certains des combattants les plus forts, si on veut. Physiquement raides, j'ai pas un mot exactement là, mais ils sont durs à amener au sol et tout. Est-ce que ça serait une bonne façon de décrire le judo en MMA? Ouais, tout à fait. Le terme qu'on utilise, nous, c'est rugueux. En France, on utilise le terme rugueux. Les judokas sont rugueux. Voilà, on est dur au mal, on lâche pas. Et c'est vrai qu'un bon judoka qui arrive à faire une bonne reconversion avec un super apprentissage de la partie pied-point et du complément sol peut devenir un client très, très, très sérieux pour le MMA. Oui, c'est une base, je pense, le judo, très importante pour un combattant de MMA, ou ça peut être également la lutte, Au même mais. titre, exactement, c'est ce que j'allais dire. Au même titre que la lutte, hein. C'est le même. Pour moi, c'est les mêmes profils. Est-ce que le judo a évolué au cours des années, depuis que vous le pratiquez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution, une progression? Parce que je pense que c'est un peu. L'objectif d'un art martial, c'est pas de stagner, mais c'est plutôt de toujours essayer de grandir puis d'évoluer. Est-ce que le judo, fait ça? Alors, je trouve que la question est assez intéressante. Je ne peux pas vraiment dire que le judo évolue. Alors, et la raison à ça, pour moi, c'est que le règlement de la compétition du judo, et que le judo, on ne le voit que par rapport aux compétitions, parce que c'est l'image, c'est ce qui se passe à la télé, empêche un peu le développement de la discipline. Et le problème qu'il y a également dans les clubs, c'est que finalement, dans les clubs, on s'entraîne au judo, on pratique le judo tel qu'il est pratiqué en compétition, alors qu'on devrait essayer d'ouvrir l'éventail technique beaucoup plus grand pour permettre à n'importe quelle technique de pouvoir exister, de pouvoir avoir lieu et de pouvoir se développer sur le tatami. Et toutes les techniques qui sont pratiquées, en fait, c'est les techniques qui sont pratiquées et qui sont utilisées en fonction du règlement de la compétition. Et c'est pas du tout compatible avec un développement de la discipline. Ah, c'était Ils essaient intéressant. de, ils essaient de, ouais, ils essaient de revenir un petit peu en arrière. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu là ces derniers temps les compétitions de judo. Si vous êtes au courant, ils sont en train de changer complètement le règlement de la compétition. Donc toutes les saisies, par exemple, au niveau des jambes, il les enlève et on revient sur un judo qui était pratiqué, un judo japonais, on va dire. Et d'ailleurs, les Japonais qui avaient commencé à prendre un petit peu de retard, même s'ils restaient numéro un, eh ben là, ils ont remis une tarte à tout le monde. Ils redeviennent les meilleurs et de loin parce que ils ont gardé cette forme de corps et cette façon de pratiquer le judo et qui est la leur. Et ça, c'est une bonne chose pour vous, ça? Pardon? C'est une bonne chose pour vous, ça? Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Moi, je n'ai rien contre les techniques de jambes qui sont empruntées des luttes soviétiques, on va dire, parce que c'est un petit peu comme ça que c'est traduit, hein. Des luttes locales en fonction des pays. Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Et surtout, il faut que les arbitres, puisqu'on parle d'arbitrage, là, et de compétition, il faut que les arbitres puissent évoluer également, avec un règlement qui puisse être adapté et permettre la pratique la plus large possible. Et pour des changements de règlement comme ça, c'est qui prend ces décisions-là? Mais c'est la Fédération internationale. C'est souvent sur proposition d'une fédération, et ensuite ça se discute de façon collégiale avec les membres actifs de la Fédération internationale. Et ça serait-tu parce que peut-être la Fédération japonaise a beaucoup d'influence, ou c'est simplement une décision qui a été prise avec beaucoup d'études, j'imagine? Non, avec beaucoup d'études, il y a bien sûr la Fédération japonaise a beaucoup d'influence, la Fédération française a également beaucoup d'influence. Après c'est des votes, hein. Après c'est des votes et là ça devient politique, mais c'est pas le Japon qui a imposé. Là pour le coup, c'est pas le Japon qui a imposé ses doléances. C'est vraiment une décision collégiale et tout le monde essaie d'appliquer le règlement aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple assez concret. Un mouvement qu'on appelle le kataguruma, c'est d'aller chercher en dessous par les jambes, soulevées par les épaules et jetées par terre. Hier, on pouvait le faire et marquer Ippon. Aujourd'hui, celui qui le fait, il est disqualifié. Vous voyez un petit peu la différence de comportement par rapport à une action. Il pouvait hier marquer un point et arrêter le combat. Aujourd'hui, on fait ça, on est disqualifié. Est-ce que c'est à cause des similités avec la lutte ou ce que certaines personnes traditionnelles n'aiment pas ça? Exactement. Parce que les puristes ont fini par dire on ne reconnaît plus le judo. Vous voyez? Moi, je trouve ça regrettable parce que... Je trouve ça regrettable, oui. C'est du nivellement par le bas. Exactement. Moi, je trouve ça regrettable parce que c'est quand même une richesse qui est apportée par d'autres disciplines. Et ces mouvements, à partir du moment où un mouvement, on peut le nommer et qu'il a été en plus défini comme tel, dès le départ, il n'y a aucune raison de sanctionner. C'est quelque part un aveu de faiblesse du corps arbitral à juger certains comportements qui seraient anti-judo. Le fait de tenir à distance, d'être anti-combatif. Et ils ont réglé tout ce problème-là en supprimant toutes les techniques qui partent d'en bas. C'est une façon de dire, pour pas qu'il y ait des attitudes un petit peu cassées, comme ils n'ont pas su les juger, eh bien, ils ont viré toutes les techniques. C'est un peu dommage. Si je pense, un des problèmes de plusieurs arts martiaux traditionnels, c'est le genre de problème, parce que, moi, j'aime bien l'histoire de Bruce Lee, mais c'est le genre de problème que Bruce Lee a rencontré également lorsqu'il était aux États-Unis vers l'âge de 18 ans, où les vrais Chinois, eux, appréciaient pas nécessairement que Bruce Lee partage ses connaissances avec d'autres cultures, mais c'est que je trouve que les arts martiaux traditionnels, souvent, veulent garder leur technique, puis ne veulent pas se nourrir des autres types de techniques, veulent seulement garder eux, puis veulent garder ça pour eux. Alors que ce sport-là, le judo, puis tous les arts martiaux, gagnent à être connus. Puis je pense qu'un partage entre les arts martiaux, c'est tout le monde qui en est gagnant. Tout à fait. Et c'est là où le MMA a une approche super, super intelligente. On ne peut pas être un bon combattant de MMA si on n'a pas justement cette volonté d'aller apprendre autre chose que ce qu'on sait faire au départ. Un combattant de MMA, il est obligé d'aller apprendre toutes les techniques, le maximum de techniques possibles, et donc d'apprendre d'autres disciplines pour se perfectionner. Parce que par définition, comme le sport est jeune, au départ, on vient d'une discipline. Et si on veut être complet en MMA, il faut s'ouvrir vers les autres disciplines. Donc c'est vraiment une ouverture vers l'autre. Accepter un autre monde, une autre façon de pratiquer, et s'approprier un petit peu ces techniques pour devenir un meilleur combattant et un meilleur homme. Et vous, votre carrière MMA, comment que vous avez pris la décision de est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez depuis un certain temps, de faire le saut en MMA, ou c'est une offre que vous avez eue et vous avez sauté sur l'occasion? Ouais, alors c'est assez marrant. Moi je combattais après le judo, j'ai combattu en jiu-jitsu combat. J'étais 3 fois champion du monde en jiu-jitsu combat. Et pendant le premier championnat du monde que j'ai fait en 94, que j'ai gagné, j'ai rencontré le Brésilien Valide Ismail. Je pense que vous le connaissez, non? Il est assez connu, hein, dans le. Oui, c'est un des pionniers. Un tout petit voilà. homme qui, je pense, qui a fait partie de la BTT, la grosse équipe BTT Brésil, si je me trompe il pas. Était pas. Non, il n'était pas à la BTT. Valide, c'est un des tout premiers. Il s'était fait connaître notamment en étranglant Royce Gracie sur un combat qu'il avait fait sur une plage à Rio. Enfin, c'est un des tout premiers, il combattait à Lille. Je crois qu'il a combattu dans les plus grosses organisations brésiliennes au départ. Okay. Quand il y avait le combat jiu-jitsu brésilien contre Luta Livre, il faisait partie de cette période-là. C'est un des pionniers, hein, Valide Ismail. Il combattait dans ma catégorie, en fait. Il est un gars très intense, si je me trompe pas. Ouais, c'est un des pionniers. C'est vraiment un des pionniers du MMA au Brésil. Et lui, qui était issu du jiu-jitsu brésilien. Et donc, il a combattu dans ma catégorie et il a perdu au premier tour. Et moi, j'ai gagné la compétition. Et il est venu me voir en me disant, c'était en 94. Hein. Okay. Vous voyez, on est vraiment au tout début. Il est venu me voir en disant, tu sais, moi, je fais du Valet Tudo. Félicitations pour la compétition. Je pense que tu seras un bon combattant de Valet Tudo. Mais moi, quand il m'a parlé de ça, je ne savais pas du tout de quoi il me parlait. Donc, il m'a expliqué. À l'époque, il n'y avait pas de règles comme aujourd'hui. Ouais. Donc, j'avais été interloqué. Je suis bon. On a fait une photo. Il m'a dit, ton impresario va te contacter. Et sincèrement, moi, je pensais qu'il me racontait un petit peu des salades, quoi. Donc le temps est passé. Et ensuite, j'ai été recontacté par Remco Pardel. Si vous vous rappelez de Remco Pardel, il avait combattu à l'UFC 2. Et il avait fait une demi-finale contre Royce Gracie. Ok. Remco Pardel, c'est lui qui avait battu Orlando Viette avec des coups de... Tout le monde a vu ça, des coups de coude dans la tempe, au sol. Oui, d'accord. Oui, ça me rappelle un petit peu. Voilà, il avait pris un mec de boxe, il l'avait amené au sol, il avait mis des coups de... Il avait assommé avec des coups de coude dans la tempe. Voilà, donc Remco faisait également du jiu-jitsu. Et il y a un Valet Tudo international qui se préparait à Rio. Donc il m'a dit, écoute, il y a un Valet Tudo, tu devrais faire ça, je te verrai bien dans ce genre de compétition. Et voilà, me voilà embarqué donc dans ce monde du Valet Tudo, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Et j'ai fait ce combat, je suis parti, j'ai prévenu personne. Je suis parti là-bas et j'ai découvert un monde hallucinant, quoi. Et à Rio, c'est quoi l'ambiance en 1994? Il y a tellement de bons combattants qui viennent du Brésil. Est-ce que les amateurs dans ces années-là étaient très, très derrière les combattants ou c'était des petites salles? Ben, c'était on parlait de Valet Tudo, mais pas tant que ça. C'était plus jiu-jitsu. Moi, j'avais plus remarqué l'attitude jiu-jitsu. D'ailleurs, dans la rue, on voyait beaucoup de gens avec des t-shirts jiu-jitsu. Et comme moi, je venais l'art que je représentais, c'était le jiu-jitsu, j'avais été frappé par ça. Nulle part en France, je voyais des gens avec des t-shirts de jiu-jitsu, alors que là, je voyais jiu-jitsu. Donc, ça, moi, pour moi, c'était quelque chose d'assez fascinant. Mais le Valet Tudo, on avait fait le combat au Maracanazinho, au petit Maracana, et c'était rempli, hein, du reste. Hein. Il y avait vraiment une grosse ferveur, mais c'était pas comme aujourd'hui avec ce système un petit peu professionnel. Mais on sentait vraiment le début de quelque chose, le début de quelque chose qui allait grandir. Vous êtes également, vous avez été, je ne sais pas si vous l'êtes encore, le premier président de la commission française de MMA. Est-ce que vous l'êtes encore? Ah oui, je suis encore. On est en train de préparer d'ailleurs une session à l'INSEP de formation pour les futurs entraîneurs de MMA. Est-ce que vous pensez qu'à court terme, c'est possible que les règlements, par exemple ceux du UFC, c'est-à-dire que les frappes permises au sol également, et que le MMA, vraiment, dans son intégralité, va être accepté bientôt en France? Mais l'idée c'est d'expliquer au public français et aux gens en général ce qu'est le MMA, leur expliquer que c'est une discipline comme une autre et qu'elle est juste complexe parce qu'elle englobe plusieurs disciplines, ni plus ni moins. Après, il y a cette particularité des frappes au sol. Donc expliquer pourquoi on fait des frappes au sol, qu'il faut accepter cette nouvelle façon de combattre. Tout le monde a l'habitude de voir des frappes debout, donc ça inquiète personne. Mais dès qu'on est au sol, il y a également cette petite phrase un petit peu qu'on a tous entendu, qui dit on faut pas le droit de frapper quelqu'un quand il est par terre. C'est expliqué que quand on est par terre, on n'est pas forcément mal en point. Et que souvent en dessous, on est dans une meilleure situation pour pouvoir renverser le combat. Effectivement. Mais tout ça, il faut l'expliquer aux gens. Ça veut dire que les gens qui regardent, qui ont l'impression qu'on est en dessous, qu'on l'autre est dessus, ils ont toujours l'impression, quelle que soit la position, même si une jambe est prise, que celui qui est en dessous est dominé. Ce qui n'est pas toujours vrai. Et puis, c'est pas plus dangereux être frappé au sol que debout, même que lorsqu'on est exactement debout, qu'on reçoit un encadre, ben ensuite, on a un choc de tomber au sol, alors que là, exactement, c'est déjà confortablement au sol. Ben, c'est sûr que c'est moins... c'est épeurant à voir lorsqu'on n'a jamais vu ça, mais... voilà. Il faut, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut éduquer. C'est pour ça qu'il faut éduquer, expliquer aux gens ce qui se passe. Et c'est le but également de la commission. Donc, on passe par par former les gens, informer. Et puis derrière, on a pas mal de projets pour aller vers les gens. On est en train de se rapprocher de certaines chaînes de télévision pour essayer de monter des sujets. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du MMA, enfin, en France, on parle plutôt de free fight. Et avec ce mot qui est assez dur à entendre pour les oreilles chastes, on va dire, et qui nous ramène toujours à tout est permis. Et justement, on essaie d'expliquer que le MMA, ce n'est pas tout est permis. Voilà. Non, je pense que c'est un sport qui est de mieux en mieux encadré, parce qu'effectivement, lorsque je regarde des premières images de Vale Tudo et tout ça, il y a des choses que moi qui me déplaient honnêtement. Puis même au Japon, vous y avez participé, puis on en parlera dans quelques instants. Mais bon, il y avait les l'écrasement de la tête, là, les stomps que je trouvais. Ah, ça, j'aimais pas non plus. Non, j'aimais effectivement, pas non plus. Effectivement, je pense que ça prend un minimum de règles, mais ce sport-là se doit d'être bien encadré, parce que bon, ça reste quand même un sport. Puis l'aspect martial, on ne pourra jamais l'avoir à 100%, là, des doigts dans les yeux puis des choses comme ça. Évidemment, c'est pas très sportif. Alors, c'est évident que ça prend un minimum de règles. Est-ce que, à l'heure actuelle, les règlements du UFC, pensez-vous, trouvez-vous ça satisfaisant comme règlement? Est-ce que les coups de coude, par exemple, au sol, c'est le seul surtout? Truc moi, chez l'UFC, je trouve ça parfait. Sauf les coups de coude. Oui. Et la raison, elle est simple. Les coups de coude, tout se justifie. Tous les coups se justifient. Et même le soccer kick du Pride se justifie. Quand on parle de combat, je comprends que dans une situation, si on ne se replace pas, on est en danger parce qu'il y a le coup de pied qui peut arriver. Donc, comme on fait un sport, il faut essayer de protéger donc les combattants. Donc, il faut enlever sur une technique dangereuse. Et dans le même titre, où les coups de coude à l'UFC, les combattants ne s'en servent plus aujourd'hui pour mettre KO. Ils cherchent pas. Et on met pas KO d'ailleurs avec un coup de coude rarement. Mais tout ce que ça fait, c'est que ça coupe et ça blesse. Et les combattants s'en servent pour ça, pour couper. Donc tout de suite, c'est des effusions de sang. Et sincèrement, pour défendre une discipline, quand ça saigne beaucoup, beaucoup, beaucoup, avec des coups qui n'assomment pas, qui ne mettent pas en danger, mais juste qui blessent, c'est très, très difficile à défendre. Très, très difficile. Oui, mais vous allez enlever la meilleure arme à notre champion, Georges Saint-Pierre, là. Ah, mais Georges Saint-Pierre, non. Non, je suis d'accord, Fred. Non. Georges, il a toutes les armes. Ouais, ah, oui, Georges, il a toutes les armes. C'est un des mecs au monde qui a le plus d'armes, donc c'est vrai qu'il utilise bien ses coudes, mais Georges, il a tellement d'armes, il a pas sans ses coudes, il serait le même champion qu'il est. Je respecte beaucoup Georges, qui est d'ailleurs un ami. Vous êtes encore impliqué en judo, je pense que vous l'enseignez encore, monsieur Amoussou? J'enseigne toujours, bien sûr, j'enseigne toujours le judo, oui. Est-ce qu'il y a parmi vos étudiants, est-ce qu'il y en a également qui rêvent peut-être de devenir des combattants MMA? Ben, j'ai mon frère que j'entraînais, Karl. Oui, puis sa carrière est bien partie, là. D'ailleurs, voilà, il était bien parti, donc Karl, je l'entraîne depuis très très longtemps, et là, il s'entraîne maintenant chez à haute tension. Et donc, de temps en temps, il vient au club et je lui fais des cours particuliers, en fait, parce que les élèves que j'ai n'ont pas le niveau pour pouvoir lui servir de sparring, parce que c'est vraiment, au club où j'enseigne, c'est vraiment du MMA éducatif, on va dire, pour des gens qui n'ont pas envie de faire de compétition. Donc, c'est vraiment le but de la commission, c'est créer une discipline pour que n'importe qui puisse pratiquer. Donc, c'est ce que je fais au club. Donc Karl vient de temps en temps et on travaille ensemble. Et quand vous... Mais Karl, ça fait très très très longtemps que je l'entraîne. Quand vous voyez votre frère, est-ce que vous auriez aimé ça être peut-être un peu plus jeune justement pour pouvoir avoir votre carrière en ce moment où ce que le MMA est plus populaire? Ben, c'est clair, c'est 44 ans, c'est mon grand regret, mais bon, faut jamais rien regretter. J'ai eu la chance de pouvoir quand même le faire, d'avoir eu la chance également de combattre dans à l'époque la plus précieuse organisation. Je peux pas me plaindre, mais maintenant c'est clair que j'aurais eu 10 ou 15 ans de moins, je serais beaucoup plus heureux par rapport à cette discipline. La visibilité est tellement meilleure maintenant, alors c'est pour plus gratifiant sûrement pour les combattants. Exactement. Oui. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu les combattants comme Bertrand puis comme d'autres combattants il y a quelques années, ben on n'en serait pas rendu là présentement. Évidemment, ça prend des pionniers pour partir ça. Et c'est un il faut toujours étonner, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut pas regretter. Alors chacun son époque, et puis voilà, il faut le tout, c'est si on y croit, essayer d'apporter au mieux qu'on peut sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec la commission, en tout cas. Parlons de votre combat maintenant au Pride. C'était en 2004 que vous avez remporté. Parlez-nous comment ça s'est déroulé, ce combat-là, puis l'ambiance, puis vous étiez déjà, j'imagine, mentalement, vous étiez prêt pour ce combat-là, parce que vous étiez fin trentaine, je pense, lorsque vous avez fait le combat. Ouais, 38 ans. Vous n'étiez pas à vos premières compétitions sportives, évidemment, mais qu'est-ce que ça fait de participer à un gros événement, parce que le Pride, c'était complètement fou. Ah, c'est complètement fou. C'était déjà, c'était au Yokohama Arena, donc une salle de 20 000 places. Et c'était assez particulier, parce que quand on m'a proposé, en fait, quand on m'a proposé de combattre, j'ai refusé au départ. Okay. Parce que ça faisait... J'ai refusé quand on m'a proposé de combattre au Pride. J'ai refusé. La raison, c'est que ça faisait 6 ans que j'avais arrêté la compétition, toute compétition. Donc j'étais juste un entraîneur, et donc je m'entraînais bien sûr avec quand je donnais mes cours, mais ça n'a rien à voir s'entraîner quand on donne ses cours et s'entraîner pour préparer un combat. C'est deux choses complètement différentes. Donc j'estimais que je n'étais pas prêt à pouvoir relever le défi d'un combat au Pride. Et j'ai dit d'ailleurs au vice-président de l'époque, j'ai dit que je suivais le Pride, et que quand il prenait des combattants comme ça pour combattre, c'était souvent au dernier moment. Mmh. Et que moi, je n'étais pas apte à prendre un combat avec une semaine avant. C'était pas possible. Je suis pas entraîné pour ça. Ça fait 6 ans que j'ai arrêté. C'est pas possible. Et donc là, il a rebondi dessus, il m'a dit, mais si on te laisse plus de temps, j'ai dit, oui, peut-être, mais bon, ça fait 6 ans que j'ai arrêté, je ne me vois pas trop combattre aujourd'hui, j'aurais adoré faire cet événement, mais je ne montrerai jamais sur un ring si je ne me sens pas prêt physiquement de le faire. Voilà, j'ai trop l'expérience de la compétition, je ne peux pas, je ne me vois pas monter sur le ring, ni même sur un tapis, si je ne suis pas prêt. Et donc il m'a dit, écoute, pas de souci. Donc il est rentré au Japon. Il m'a envoyé un email une semaine après en disant, voilà, on te laisse 3 mois pour te préparer. Est-ce que ça suffit? Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc pendant 3 mois, j'ai pu me préparer pour le combat. Et d'ailleurs, pendant ces 3 mois, j'ai eu 4 adversaires. Donc la première fois, c'était Minoa. Après, il y a eu un refus. Ensuite, c'était un combattant japonais qui s'appelait Fuji. Il y a eu un refus. Après, il y en a eu un autre. Je sais plus comment il s'appelle. Et finalement, c'est le combattant que j'ai eu... donc au Bushido 3, voilà comment c'est passé. Et la préparation s'est fait comment? Parce que le Pride avait une particularité, c'est que les rounds étaient de 10 minutes, c'était bien 10 minutes le combat que vous avez disputé, c'était des engagements de 10 minutes chacun? Ben là, c'était un Bushido, donc c'était pas les 10 minutes, c'était 5 minutes au Bushido. Ah ok, bon ben c'est déjà ouais, ça c'était mieux. C'était les 5 minutes, ouais. Parce que c'était le Bushido, donc c'était pas les 10 minutes. D'accord. Alors, 5 minutes, mais quand même 5 minutes, c'est quand même intense quand même. Alors, la préparation que vous avez faite en termes d'un combat, alors que vous avez été inactif en compétition, j'entends, pendant 6 ans, est-ce que le retour, ça a été difficile à l'entraînement intensif? Ben, ça a été moins difficile que je le pensais, en fait. Parce que je me suis, pendant 3 semaines, j'ai recommencé à courir, j'ai recommencé à me mettre en condition. Remettre en condition physique, prêt à me mettre dans une situation pour pouvoir accepter et tolérer des séances difficiles. Donc, il fallait que je me remette à courir et à faire un petit peu de préparation physique. et surtout également psychologiquement à me remettre dans l'habitude de l'entraînement quotidien et me redire je repars pour la guerre quoi. Parce que c'était l'ancien combattant qui s'était endormi pour toujours et il fallait que je me réveille. Donc ça a duré 3 semaines cette période-là et puis ensuite j'ai attaqué vraiment les entraînements très très durs. Et ma plus grosse crainte c'était de me blesser pendant la préparation, d'avoir un petit pet et devoir me reposer pendant une semaine ou 5 jours, peu importe la blessure et ça m'aurait retardé dans la préparation. Et finalement tout s'est très très bien passé, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et ce qui a fait que quand je suis arrivé j'étais vraiment prêt quoi, j'étais vraiment affûté et prêt. Comment ça s'est déroulé le combat? Parce que le combat s'est terminé au tout début du deuxième engagement. Parlez-nous du premier round. Est-ce que ça avait été à votre goût? Ben, en fait, très bien, parce que la tactique, comme pendant toute la préparation, au départ, en fait, voilà ce qui s'est passé. Quand on m'a dit que j'allais combattre, j'ai signé pour 4 combats avec le Pride. C'était 4 combats que je devais faire. Ah, ok. Donc, c'était 4 combats. Donc, et l'idée. L'idée, c'était que, au bout du le 4e combat, que je rencontre Yoshida. Oh. Parce que Yoshida a gagné les Jeux Olympiques de Barcelone. Oui. Et que moi, j'avais été remplaçant pour ces Jeux Olympiques. Donc, il voulait essayer de raconter une histoire comme ça, avec le Français qui a pas eu la chance de combattre et qui va essayer de prendre une revanche face aux champions olympiques japonais. Voilà. Ils aiment bien monter les histoires, comme vous le savez, ouais. C'était un petit peu ça l'histoire. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé qui a fait en sorte que... Ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc le premier combat, moi tactiquement, comme on parlait de moi qu'en termes de judoka, je me suis dit que je vais montrer que je sais envoyer des coups de poing aussi. Donc je voulais faire un combat essentiellement de poing. Ok. Et le premier coup que d'ailleurs j'ai senti le premier coup que j'ai envoyé à mon adversaire. Il a, enfin, sa tête a changé quoi. Il a pas compris. Il s'attendait pas du tout à ce que je frappe. Il pensait sincèrement que j'allais chercher à l'amener au sol et travailler au sol. Et donc j'ai continué sur cette lancée. Et ça l'a complètement déstabilisé. Il a pas su lui changer de tactique par contre. Donc j'ai terminé comme ça. Et au début du deuxième round, avant qu'il ne tombe KO, l'arbitre s'est mis entre nous deux. Okay. Et pourquoi il n'y a pas eu de deuxième combat pour le prêt? Alors au deuxième combat, on m'a reproposé Minoa. Okay. Qui a refusé, mais les raisons, je les comprends. Hein. Minoa, il était en train de monter en réputation, et peut-être que je n'étais pas le client idéal, quoi. J'avais 38 ans, j'avais juste fait un combat, voilà, j'étais pas pour lui. Pour lui, c'était, je pense que c'était mieux de rencontrer un Rampage, un Vanderlei. Il y avait plus à perdre. Il avait plus à perdre qu'à gagner avec moi, ouais, okay. Voilà. Donc ensuite, on m'a reproposé un autre combattant japonais qui a refusé aussi. Finalement, pour ce Pride-là, c'est eux, ils se sont rencontrés tous les deux qui ont refusé, donc Minoa et l'autre. Ils ont d'ailleurs fait un combat qui n'était pas génial. Et puis moi, je travaillais. Moi, j'étais rédacteur en chef à l'époque du magazine Fight Sport. Oui. Et donc le temps a passé. Faut rappeler que j'avais arrêté depuis 6 ans. J'ai repris, j'ai essayé de repartir. Et les semaines s'égrenaient. Je ne voyais pas de combat arriver. Et voilà, j'ai envoyé un email en disant, écoutez, moi je suis... Parce que 2 fois quand même sur les combats qu'ils m'ont proposé, 2 fois, moi je suis reparti en préparation. Et c'est au bout de... c'est au bout de 2 semaines que j'ai reçu un mail en me disant, il refuse le combat. Et l'autre, c'était au bout d'une semaine. Donc à chaque fois, je m'étais remis sur la préparation. Ah, voilà, okay. donc le temps a passé. Et puis le reste avec. Lorsqu'on voit maintenant des gars comme Randy Couture dans le UFC qui combat encore à 46 ans, qui va affronter d'ailleurs là, dans quelques semaines Mark Coleman qui a 45 ans, vous allez avoir 44 ans. 44, ouais. Est-ce que vous pensez que ces deux gars-là, ce sont des surhommes ou c'est vraiment possible si on s'entraîne de manière constante, puis si on s'alimente bien, si on a une bonne hygiène de vie? De combattre en MMA, un sport pour plusieurs, c'est un sport barbare, mais alors qu'on voit qu'il y a des quadragénaires qui combattent encore et qui sont encore dans l'élite, est-ce que ces deux gars-là sont des surhommes ou c'est possible? Alors, c'est possible pour les surhommes. non, mais je pense pas que ce soit des surhommes, c'est possible, mais il faut vraiment avoir une hygiène de vie irréprochable, quoi. Randy Couture s'est jamais arrêté. C'est un mec qui est très très très sérieux dans sa préparation. Et ils ont également, on parle quand même de deux athlètes qui ont un passé de compétiteurs à haut niveau mondial et olympique en lutte. Oui. Donc ils ont cette rigueur de l'entraînement et du sérieux dans la durée. Je pense pas que ce serait possible avec des compétiteurs qui n'ont pas ce passif-là ou ce background-là. C'est vraiment. Je pense pas que si Randy Couture n'était pas un lutteur de haut niveau, je pense pas qu'à cet âge-là, il combattrait encore. Le style de combat à avoir avec sûrement les dommages qu'un athlète reçoit, puis justement, un gars comme Randy Couture et Mark Coleman, eux autres ont un style peut-être où ils ont subi moins de dommages à travers les années. Exactement. Non, mais puis à côté, il y a vraiment une hygiène de vie qui doit être irréprochable, quoi. Parce qu'à 40, moi j'ai 44 ans, les judokas avec qui je combattais de ma génération, c'est impossible de leur demander de faire quelques combats que ce soit. Non, c'est ils ça. Ils ont tous pris 20 kilos. On a l'idée des fois que bon, les sports de percussion, le Muay Thai, puis tout ça, ce sont des sports très violents. Puis effectivement, là, ben, ça se frappe, puis il y a des coups, c'est tout le temps des chocs. Mais il y a des sports comme le judo, puis la lutte, c'est des sports très physiques. Là. On s'en rend peut-être pas compte pour ceux qui ne suivent pas ça, qui n'ont jamais pratiqué. Mais pour les articulations, ça doit être dévastateur. Très traumatisant. Ah oui, vraiment, vraiment. Sincèrement, je ne connais pas un sport plus traumatisant que le judo. Hein. Tous mes partenaires d'entraînement et tous mes camarades d'équipe de France ont tous subi des opérations épaules, genoux, croisés. Tous. c'est hallucinant. Alors, il faut vraiment aimer cet art martial-là pour continuer à le pratiquer puis se rendre à haut niveau. Vous l'avez fait. Là, il y a votre jeune frère qui est considéré parce que, bon, en France, vous avez beaucoup de talent quand même. Là, on a des Tchèques Congo dans le UFC. Ouais, on a beaucoup de talent. Liodin, beaucoup de talent puis, c'est sûr, on pourra en nommer plusieurs. Mais votre frère fait partie des combattants très prometteurs. Il a signé une entente avec une organisation japonaise. C'est le Dream, si je ne me trompe pas. Ouais. Il a signé avec le Dream, ouais. Et là, évidemment, c'est difficile d'être objectif pour vous, mais votre frère, là... Moi, c'est facile d'être objectif. Hein. Je suis souvent plus dur avec lui qu'avec les autres, donc je peux être très objectif. Ah, ben c'est ça. Vous voyez, à l'entraînement, j'imagine, vous êtes plus dur avec lui. Ah oui, je suis plus dur. Ah ouais, non, moi, je suis très, très lucide. S'il n'était pas bon, je lui dirais. Moi, je suis très, très objectif. Parce que je pense qu'il faut pas mentir. À ce niveau-là, c'est pas un jeu, quoi. S'il n'avait pas le niveau, d'ailleurs, quand il a voulu combattre, je ne l'ai pas dit tout de suite, oui, tu vas combattre. Et je suis comme ça également avec mes élèves. Ils vont pas combattre parce qu'ils me demandent de combattre. J'en vois pas un élève combattre si je ne suis pas sûr à 100% qu'il sache parer tous les coups ou qu'il puisse s'en sortir. Effectivement, parce que ce n'est pas un service à rendre. Hors de question. Parlez-nous de Karl Amoussou. Qu'est-ce que vous voyez, avec le potentiel qu'il a, vous le voyez où dans 5 ans? Très loin. Karl, le MMA, donc, on a 19 ans d'écart, hein, Karl et moi. Donc il m'a suivi tout le temps, il a toujours été là. Et d'ailleurs, je me rappelle des compétitions, quand je faisais des compétitions internationales en judo, j'entendais deux voix, la voix de mon coach et la voix de Karl, qui était tout petit, il avait 4 ans, 4-5 ans, et j'entendais des... En 5 minutes, j'entendais 150 aller vers 30 donc, avec sa petite voix de gamin. Donc il a bien sûr fait du judo. Il a eu un niveau national en France en judo. Mais le MMA, c'est son truc. Quand je lui annonce un combat, par exemple, à chaque fois que je lui ai annoncé un combat, tous les autres combattants à qui je dis, ouais, on te propose un combat, tu vas rencontrer. À chaque fois que je parle d'un combat, c'est qui est-ce que je vais rencontrer, pour quelle bourse, dans combien de temps, en fait, tout un tas de questions qui suivaient derrière. Okay. Karl, à chaque fois que je lui dis tu vas combattre, c'est un sourire jusqu'au haut de la tête et il me sautait dans les bras en disant merci Bertrand. Là, et il n'y avait pas de questions derrière. Et après, c'est oui, ah, au fait, c'est qui? Okay. Vous voyez, c'est vraiment comme si je l'annonce, comme si c'était Noël que je lui faisais un cadeau. C'est son truc. Et je l'ai vu en judo, il a fait des combats de jiu-jitsu, mais ça n'a rien à voir. Il est transformé. Quand il entre sur le ring, il est complètement transformé. Ce sport, c'est son sport. Savez-vous, rarement vu ça. J'ai rarement ressenti ça chez des gens. C'est son univers, c'est son truc, et c'est tellement son truc qu'il est obligé de réussir. En plus, il a la volonté, donc si les petits cochons ne le mangent pas, il va aller très loin. Savez-vous quand est-ce sera son prochain combat? Ça devrait être... Il n'y a rien de sûr, donc je ne vais pas m'avancer. Okay. D'accord. Mais ça devrait être fin février, peut-être fin février. Fin février? Aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Mais il n'y a rien de sûr, donc je ne peux pas m'avancer. Ah, d'accord. Bon, aux États-Unis, vous avez dit? Excusez? Ouais, aux États-Unis. OK. Parce qu'il va combattre, il va combattre au Strikeforce aussi. Ah oui? Ah, c'est excellent. Ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ouais, il va combattre au Strikeforce aussi. Parce qu'il a signé, bien sûr, avec le Dream... Mais le contrat du Dream est exclusif à Asie du Sud-Est. Il peut combattre également ailleurs. Ah, ben ça, c'est une bonne chose. Que, voilà. Bon, il y a d'autres organisations qui ne le permettent pas. Mais écoutez, de pouvoir évoluer sur deux plans, c'est-à-dire au voilà. Japon et en Amérique, exactement. Les combattants en sont gagnants, évidemment. Donc lui, il va combattre également au Strikeforce. On a été approché également par le Strikeforce, donc il combattra également dans cette organisation. Ben Bertrand Amoussou, merci beaucoup de tout le temps que vous nous avez accordé. Ça a été merci à vous, très formidable. Intéressant. Ben, merci, puis on... Et puis bravo pour ce que vous faites. Hein. Vous avez vraiment une émission, j'ai écouté plusieurs émissions, sachant que quand vous m'avez contacté, je vous félicite pour votre travail. Ben, vous êtes très gentil, puis moi je vous dis, j'espère en tous les cas, à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.